Ici Jean-Charles Bernard. Et nous arrivons dans une partie extrêmement importante dans l'étude noire sur la parole de Dieu, sur la Bible. Je dis à nous pour découvrir que ça qui est important, ce n'est pas gagner en pile connaissance de la Bible, mais c'est appliquer connaissance ou gagner déjà de la Bible. La Bible, c'est un livre surnaturel. Le nous entrer dans qui genre nous gain Bible là, qui genre Bible là formé, qui genre nous vienne arriver gagner un seul livre comme ça, je dis à la main nous comprendre finalement que Bible là, c'est un miracle. La Bible, c'est un livre surnaturel. Son livre qui vient de Dieu. Il sorti dans le cœur bon Dieu. Et si son livre surnaturel, il gagne des réponses surnaturelles et tout ça qui est plus haut capable de faire aussi ça qui est plus bas. Donc, il gagne des réponses qui est plus haut, surnaturelle, et c'est là-dedans que vous avez besoin toute réponse dans le niveau naturel que vous avez vivre là. Donc, là où gagne la Bible à la main, ou gagne un niveau surnaturel et la donne ou gagne réponse à tout ça qui paraît naturel dans le monde que nous avons évolué. Puisque la Bible sortit de bon Dieu et la Bible parlait de tête li, dit que li inspiré de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, par conséquent, lit c'est seule sécurité pour nous-mêmes, la race humaine, et c'est pour raison ça nous obliger suivre ça que lui-même lui enseigner. Solution problème nous yo. Solution tracan à baïtête nous hein. Chita nan suivre enseignement que la Bible a lui-même lui baille. Di el mundi. Li écrit yon ti parole que m'li la pour nous. La Bible n'a pas été donnée pour augmenter notre connaissance, mais pour changer notre vie. La Bible li pas là pour li banon pile connaissance. C'est pas un livre scientifique qui parle banon des connaissances scientifiques. C'est pas un livre qui parle banon des faits historiques. C'est pas un livre qui parle mettre la science dans tête. Non, la Bible, objectif li, bien que li gagne tout ça, yo me dit, mais objectif li, c'est pas remplir cervelle tête nous. Objectif li, c'est changer la vie nous. C'est pour raison ça, nous déjà ouais. Que parole dans la Bible là pas intéressé tête nous mais li intéressé plutôt cœur nous. Ça que dans la Bible là li pas intéressé ça que dans tête nous, pas intéressé plein tête nous mais ça que là dans li intéressé cœur nous. C'est pour qui raison nous obliger nous-mêmes, c'est raison ça que fait nous obliger nous-mêmes mettre le dans cœur nous. Et nous gain pour nous ouais qui effet ça fait lorsque nous mettons parole ça dans cœur nous. Moi me lis un premier texte avec nous aujourd'hui que nous joignons dans Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens 3 verset 16. Colossiens 3 16 il dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse et instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Que la parole de Christ habite en vous, c'est-à-dire dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite dans vos cœurs, habite en vous. Donc, la Bible n'a pas été donnée pour embellir notre cerveau, notre tête, notre intelligence. C'est pas travailler ça. Travailler la Bible, c'est changer que nous. Donc, quand parole là remplit nous, remplit que nous, lui suffit lui-même pour lui produire la foi qui pourra changer les circonstances de notre vie. Donc, la Bible, ça pour nous faire avec la Bible. Prends-le, mange-le. Mange-le, c'est mettre-le dans le cœur. Et principe là, retourner avec le même principe là, faut nous mettre-le devant les yeux, nous, mettre-le dans les oreilles, nous, c'est chemin ça l'a fait pour arriver en dedans cœur. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 20, ben, nous avons une petite parole là. Pierre et Jean, ils étaient devant et les chefs religieux en Israël. Ils ont arrêté monsieur. Yo. Alors, verset 20, Pierre a dit une parole. À vous d'en juger, car nous ne pouvons, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La Bible, là, l'y fait pour l'y rentrer dans le cœur, nous, mais nous pas oublier le principe qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et une fois que parole là, dans nous devons partager parole là. Nous devons parler parole. La façon dont nous allons partager, c'est parler parole. Donc, nous avons tellement gagné un programme dans l'Église, là. Nous avons tellement intéressé à faire programme que nous oublions l'objectif principal de l'Église, là, qui c'est proclamer parole, là. Enseigner parole, là. Distribuer parole, là. La vérité, n'est pas là pour faire nous vanter tête, nous. Mais là, pour au contraire nous répandre. Tout le monde doit connaître, aller, dit Jésus, par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Prêcher à toute la création. Tout le monde doit connaître. Connaître qui ça? Connaître ça que nous gagnons déjà par ce que Jésus a fait. Connaître le royaume de Dieu. La seule chose que Jésus nous a demandé de prêcher partout, partout, partout, c'est le royaume de Dieu. Proclamer, le royaume de Dieu est arrivé. Il est là. Ce travail sera donc pour nous faire. Donc, valeur la Bible, c'est le nous distribuer, le nous parler parole. Valeur Bible là, arrêter dans rempli tête non de gros mots, rempli tête non de grandes expressions, mais c'est lorsque nous appliquons dans la vie, nous, c'est lorsque nous obéissons. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés de distribuer parole là. Moi, je dis déjà, changement, nous avons besoin ouais dans la famille, nous. Changement, nous avons besoin ouais dans le pays, nous. Changement, nous avons besoin ouais dans le voisinage, nous. Passer par la parole de Dieu que Mounio connaît et parole ça a un pouvoir pour changer cœur. Ce qui est important, ce n'est pas juste connaître parole là pour moi, mais c'est vivre, partager pour que l'autre monde qui attendait connaisse et vivre tout. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, ce qui est important, ce n'est pas juste connaître. Des auditeurs oublieux, j'en ai prononcé ces paroles par là. Moun qui juste apprennent pour, même leur fin apprennent dans oublié ou tomber dans l'oreille gauche, li sorti dans l'oreille droite. Mais non, l'apôtre Jacques dit, Jacques 1er, verset 22, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Pas content autant d'elle. Juste sous-tendel, ok, bon, ok, m'tendel, mais non, pratiquez-le. Ça ne peut servir à rien si moi, prends parole là, m'tendel, m'pas mettel en pratique. maturité spirituelle là, li vini le mwen mette vim en conformité avec volonté bon Dieu. Et pas gen l'autre façon pour souter ça, mwen reconnaître, identifier, connaître la volonté de Dieu que par la Bible, qui est la parole de Dieu. Parole là, li important pour nous dans vie chrétienne. Par Seigneur Jésus lui-même, dans Jean chapitre 14, en on courriel là dans un moment, dans Jean chapitre 14, li pral fè nou remarquer yon bagay. Jean chapitre 14, mwa li verset 21 an toujours. Jean 14, 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, donc commandement, voyez mes paroles, la parole, tout ça Jésus dit son commandement vin tounen pour nous. Celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Oh! Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Même si vous arrivez à comprendre verset ça, Jean 14, verset 21, ou résoudre bon problème dans la vie. Ou résoudre bon problème. Vous avez des problèmes qui, sous route, ou yon pas même rivé bon la caille ou même yon gèta résoudre. Slow comprendre verset ça. Ça li dit. Moun ki gen parole mwen, commandement, et ki garde yo, ki mette yo en pratique, Jacques dit, pas tende l seulement, mais pratique l, mette l en application. Moun sa, papam ap remèl. Moi-même tout m'apprémel et m'a manifestem à lui. Manifester à c'est m'a fait lui wèm. M'a paraît devant. Pour manifester à physiquement prend lui dans tout domaine dans la vie. Ça me besoin. Nous avons besoin de Jésus manifesté dans la vie. Et dans quel que soit bout dans la vie qui a un problème, non? Ça a besoin d'un problème, ça, c'est une manifestation de Jésus. Pour quelle raison? Parce que moi, je connais un bagage. Si Jésus manifeste un côté qui a une maladie, maladie a fait bac. Si Jésus manifeste yon côté qui gen pauvreté, qui gen manque, pauvreté ça, manque ça, fait bac. Si Jésus manifeste yon côté qui gagne hing hang, chire pit, yon tout yon fait bac, parce que Jésus paraît comme le prince de paix. Si Jésus manifeste devant une situation, côté et gen la peur, et nous connaissons depuis la peur en côté, Satan l'a tout. Donc dès que Jésus manifeste là, l'apôtre Jean me dit, l'amour parfait, qui est Jésus, qui est Dieu, Dieu est amour, l'amour parfait bannit la crainte. Donc ça me besoin vraiment dans la vie, dans quel que soit le domaine, dans l'étude moi, dans le travail, moins, dans le business, moins, dans le loisir, moins, dans tout détail dans la vie, ça me besoin, d'une manifestation de Jésus. Lorsque Jésus manifeste, eh bien, tout le bagage allait bien pour moi. Et Jésus dit, monde qui gagne parole, moins. Verset 21. Monde qui gagne parole, moins. Et qui met-elle en pratique, qui garde parole, ça. Qui fait samedi le faire. Moun sa, c'est lui qui remet vraiment. Et s'il remet, papa m'a remet le tout. Et moi-même, papa m'a vini. Ah, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ah! Ouais, relation qui est en parole, bon Dieu, et bon Dieu lui-même. Parce que côté parole, bon Dieu, c'est là lié tout. Moi, dis-nous, si nous gagnons parole là, nous gagnons bon Dieu. Lorsque nous gagnons parole là, nous gardons parole là, nous quimbel, nous gardons, nous pratiquons, nous observons sa parole là. Dit, Jésus dit lui-même, ma vini personnellement, moi-même avec papa, nous viendrons chez lui. Et non seulement nous vini, nous ne pouvons pas venir pour nous aller, mais nous avons établi résidence nous, résidence permanente nous. Nous avons établi résidence nous, la Kaimoun, ça. C'est-à-dire à qui point, qui niveau Jésus mettait parole ça. Maturité spirituelle, là, c'est lorsque nous gagnons parole là, et nous mettons en application. Nous respectons volonté, bon Dieu. C'est comme si bon Dieu était en face nous. Donc c'est principe ça pour nous kembe. Pendant toute période, nous avons parlé sous parole de Dieu. Là, c'est ça qui est gravé dans l'estomac nous, gravé dans le cœur nous. Depuis ou gagne parole, bon Dieu a un côté, bon Dieu là tout. M'a vini, m'a manifesté ma li. Donc, mais ça pour me faire, meilleur ça pour me faire, pour me grandir spirituellement, c'est connaître parole là. Me connaître parole là, ça c'est dans niveau, dans tête moi, m'apprendre ni, me connaître, me comprendre ni. Maintenant, ça me fait avec me ranger dans cœur. Ça me relé ranger ya. Ranger ya c'est ça en créole nous relé nous arrimer manger, nous arrimer sac yo dans dépôt. Cœur c'est le dépôt. Alors, chaque ça me prend dans l'intelligence moi, chaque ça me prend dans tête moi, ça me fait descendre dans cœur. Et nous connaissons un principe là, route pour passer dans cœur, me quitter devant Dieu, me répéter, me quitter devant oreille moi, me répéter, moi regarder, moi lire, m'entendre, me répéter. Là ça m'a fait, m'a arrimé dans dedans cœur, m'a rangé l'une sous l'autre. But mon frère et yon sou l'autre et bit sou bit sac sou sac manger l'en dans kèm et l'homme fin ranger le concernant kèm kounya mwen gen en dépôt ki sa m'va le faire kounya quelque soit côté me passé m'a semer quelle que soit situation m'gen dans la vie m'gen en stock dans kèm m'gen pour m'semer sou li. Gon situation financière, m'gen parole là en d'accord, ça me fait m'aller sous bagaille financière là, m'semer parole là. Qui ça me fait? M'prend compte en banque moyen. M'prend chéquier, m'prend carnet banque là. M'parler avec, m'parler sous carnet là, mit parole bon Dieu sous carnet là. Ouais, ça l'a dit là. Frères et sœurs, m'pa parler, nous sont dénon déjà. M'pa parler pour intelligence nous. M'pa parler pour cervelle tête nous. M pa parler pour samedi a gain sens, c'est pas ça me besoin. Bon Dieu pa parler pour parole li gain sens, non. Bon Dieu parler pour parole li fait la foi. Li parler pour le ou prend parole là ou fait sale d'ou faire, son pas besoin comprendre en rien. Là nous va étudier Marc 4, nous va comprendre ça, mais ça me fait me parler. Donc me parler, li dit me parler à montagne là. Compte en banque moyen qui affiche 0 a, c'est lik montagne là pour moi. Me parler avec elle. Me commander l'argent pour venir la donner. Waouh, si c'était facile comme ça, eh ben justement, li facile même. Satan voulait faire nous rester toujours dans niveau logique des choses. Et dès que nous rester dans niveau logique, nous pas capable avancer dans niveau la foi parce que les deux a pas matché ensemble. Logique là faut well pour quel. Logique là faut tendel pour quel. Logique là faut ou sentil pour quel. Mais la foi doit faire mes yeux ou well. Oui, bah la drôle. Me faire mes yeux pour well. La foi dit moi, me pas well même quel. Et c'est l'aime quel la vini. Marc 11 dit. On croit dans Marc 11 un petit moment. on couille, on fait un petit bac là, sur le Jean, on a le Marc. Marc, chapitre 11, il dit, verset 23, regardez, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Son dia, c'est l'écrivé. Ou croit dans tout cœur, ou pas douter, son dia, c'est ça que fait. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, montagne là pour aller. Donc, montagne moyen, c'est compte en banque là. Parler avec zéro claden, commander zéro pour l'aller dans la mer et pour chiffre monter sous canet. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Moi, dis donc la foi, gardez boué. La foi là, li croit que ou jouen bagay là, li croit que ou recevoir bagay là avant le rivé. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Mais quand toute prière nous est bloquée, nous demandons, c'est pour ça que nous demandons, bon Dieu, même bagarre là tout le temps. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas fait de l'autre bout là, nous n'avons pas prendre. Recevoir veut dire prendre. Dans le grec là, c'est le mot lambano. Nous avons un mot ça. Lambano. L'homme prier, tout autant pas prendre, nous avons fini de prier. Tout ce que vous demandez en priant, depuis c'est prier ou venir prier, c'est la prière ou venir la prière n'a pas fini, tout autant par lambano. Lambano, c'est recevoir, prendre. Et ou recevoir avant ou aller, c'est pour recevoir, pour bagarre la qu'arriver la caillou. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, mes paroles là, je connais les, ça fait m'étudier paroles là, méditer les. Donc, étant m'a médité, ça me connaît, m'a rangé l'encœur, sac sous sac, yon sous l'autre, boîte sous boîte. Donc, arrimé paroles là dans l'encœur, et le marimé, ça me fait qu'on y a moyen en stock pour être capable de s'y mettre. Semer. Côté me passé, me semer. Moi vont côté ces maladies, me semer parole sous maladie. Moi vont côté ces problèmes familiaux, me semer parole sous famille. Moi vont l'autre côté ces problèmes financiers là, me semer mon bagage sous problème financier. Moi vont côté ces problèmes timonio, me semer parole là sous problème timonio. Meilleur bagage pour nous faire. C'est prendre parole là, connaître li, ranger li dans cœur nous, semer li et montrer li dans la vie nous. Parce que automatiquement, nous fin konn parole là, ça faut nous faire vivre parole là. Sa parole là dit, c'est li pour me faire. Parole là, pas oublier, li inspiré de Dieu. Mot inspiré a nous gen pour nous wesa yon là, mot inspiré a qui s'allie? Son mot, dans le grec là, qui voulait dire souffler. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mot inspiré, c'est souffler. Donc, toute écriture, c'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie. Non? Ah, je ne sais pas si je ça. Prends un blad ou ballon. Ou ballon. Et mettez ballon en an bouche, non? Et soufflez la donne. Mais ça, la Bible a fait dans la vie. Toute écriture sortit dans que bon Dieu. Et c'est le souffle de Dieu. Même mot qui traduit esprit, c'est lui qui traduit souffle, le vent. Donc toute écriture, c'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie. Nous. Toute écriture est inspirée de Dieu. Bon Dieu a soufflé sur nous. Pour le faire qui ça? Pour lui changer la vie. Nous. Pour le bailler la vie nous forme. Nous avons un ballon, ballon 1, il faut qu'on gagne vent là-dedans, mais ballon 1 gagne une forme. Qui ça nous fait? Nous souffler. Et l'un souffler, nous, ouais, ballon 1 commence à prendre forme. Li. N'a pas soufflé, et nous, ouais, ballon 1 commence à prendre forme. Li. Son cœur, il y a. Tant que n'a pas soufflé, tant que nous, cœur, il vient plus gros. Et t'en a soufflé nous, ouais. T'es gagné écriture sous lit. Écriture a commencé à paraître. Plus n'a soufflé, c'est plus qu'on y a nous qu'à lire ça sous lit. Joyeux anniversaire. Nous avons le ballon ça, yo. C'est exactement ça la Bible a yé. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie, nous. Donc, la Bible, c'est. Bon Dieu qui a soufflé dans la vie nous, dans chaque domaine dans la vie nous, pour le bal forme, parce que Hébreu pral dit nous, c'est par la foi que nous croyons que la Bible a été formée par la parole de Dieu. C'est par la foi, Hébreu chapitre 11 verset 3, que nous croyons ou que nous comprenons que le monde a été formé, bal forme, par la parole de Dieu. Donc, Jean ouais piment goya, forme li gen, c'est parole la bal forme. Jean ouais la main ailleurs, forme li gen, c'est parole la bal forme là. Jean ouais et ciel là ya, Jean quel que soit son ouais. C'est bon Dieu qui bat le forme. Et avec qui ça le bat le forme là? Parole là. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce que nous voyons, dit-il, ne provient pas de ce qui est visible. Nous pas qu'à ouais parole là, mais tout ça nous ouais yo sorti de parole là. Ça vient dire nous bagay. Ça vient dire parole bon Dieu ya. Pi réel passé mangok la même là. Parce que mango a sorti dans parole là. Ça qui substance qui fait mango a, c'est parole là. Non pour comprendre non. Donc le n'a comprendre parole ça que nous gars à disposition nous en. Parole ça qui dans bouche nous. Parole ça qui la main nous en. Et puis n'a vivre tant coup pauvre ça. Et puis n'a vivre avec dépression dans la vie nous comme ça. N'a vivre avec découragement ça alors que nous gagne parole qui capable bailler forme à tout ça nous gagne besoin. Quelque chose ça nous gagne besoin même s'il pas qu'au fait. Mais parole là capable forme nous là. Mais ça nous gagne la main, nous. Et nous pouvons arriver à comprendre ça. C'est tout problème, non? Nous pouvons arriver à comprendre ça. Donc, lorsque nous comprenons l'idée, ça, que la Bible, c'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie. Avec la Bible, c'est comme ça, bon Dieu peut créer tout le bagage. Pas oublier, dans Genèse 2, le bon Dieu finit de créer et former. Moi, hébreu, a parlé de forme aussi. Bon Dieu, créer l'homme par sa parole, faisons l'homme à notre image. Maintenant, il prend le bali en forme. Dieu va former l'homme, le corps. Et l'olfine formelle qui ça le fait, Genèse 2, 7 dit, Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie. Depuis nous, souffler nous est la vie. nous est l'Esprit, nous est le Saint-Esprit là-dedans. Et à ce moment, l'homme devient un être vivant. Donc, frères et sœurs, quel que soit parti dans la vie qui mourit déjà, qui paraît une vie, quel que soit parti dans le domaine qui va évoluer, qui paraît une vie, soufflez le souffle de vie sur lui. Qui ça? La parole de Dieu. Soufflez parole là sur lui. Chaque domaine dans la vie, soufflez parole là sur lui pour la forme, pour la vie. Ce qui est important dans la Bible, c'est pour lui bail la vie nous forme. C'est pour ça l'important pour nous connaître parole là. L'important pour nous est stocker l'encre nous, arrimer l'encre nous. L'important pour qu'on y a nous semer ce côté nous voulez plante la pousser là. Côté nous voulez zèbre la pousser là. Côté nous voulez changement en fait, semer là. Et là nous semer là, parole là lui-même pral manifester. Jésus dit il m'a manifesté à lui. M'a fait ouais différence là. Et il pral dit dans Malachie on va voir la différence. On t'aime le verset ça oui. Malachie 3 18. Son texte moi remet dernier livre Ancien Testament Malachie 3 18. Il dit et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Faut qu'on différence. Parole bon Dieu a le vini dans cœur. L'entendil, l'opral, li font différence. Li mette différence entre you moun qui a servi bon Dieu et you moun qui pas servi. Li mette différence entre le juste moun qui établi dans la justice de Dieu et le méchant. Moun qui établi dans la méchanceté. Parole bon Dieu, Zamim. Li important. Li la pou le nous souffler parole ça dans la vie nous. Ça le fait. Li montre nous défaut nous. Ou blad là. Le souffler blad là. Li montre au défaut. Bon malé nan moun ki yon anje caoutchouc pou nou konprann sa. Le moun caoutchouc ki genyen un chanm la dan. Mwen mete mwen caoutchouc a plat, malé jwenn caoutchouc mannan. Mwen premier sa le fè, li retire chanm la an dan caoutchouc a. Et sa le fè, premier sa le fè, li souffle, li plein le vent. Oh! Et là le plein le vent, vent pral montrer côté qui gagne trou. Ah! L'homme prend la Bible, souffle dans la vie. Ça vent pral fait. Vent pral montrer qui côté dans la vie qui gagne petit trou. Et c'est ça pral boucher. Vent li là pour montrer des formes, faiblesse point. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger. Li montrer mon côté gain faiblesse là. Li montrer mon côté cloua piqué chambre là. Li montrer mon côté défaut voyez. Et c'est sous ça mal travail pour me boucher pour ça. C'est pour ça la Bible est important pour que moi continuellement souffler dans la vie. Li montre m kounye a ki façon correcte pour moi vivre. L'homme fin boucher trou a caoutchouc maintenant remettre l'en plastique et ça le fait. Li kounya bien souffler et vent qui en dans caoutchouc a c'est lui même kounya qui pral permettre machine moyen continuer rouler. Vent maintenu machine moyen. Tout caoutchouc bien équilibré, li plein vent et machine nan capable al côté le vle fait ça le vle kounye a m'a conduit le côté m'vle aller pour ki raison parce que vent bien stocké nan caoutchouc. Zanmim, image sa yo, son zè de image qu'on capable kembe dans la vie. kembe devan ou. Men sa la Bible a e nan la vi ou. La Bible a se van sa. Tout écriture, c'est bon Dieu qui a soufflé son vent, son souffle. C'est la vie de Dieu. Toute écriture, c'est inspiré de Dieu. Et utile pour corriger, montrer nos défauts, montrer nos faiblesses là. Pour instruire dans la justice. Pour nous convaincre. Et qu'on y a, les paroles montent. C'est pourquoi nous avons déjà Hébreux 4, verset 12, qui dit, la parole est efficace. C'est un médicament. Il est efficace pour le faire exactement ça, bon Dieu m'a dit pour le faire dans la vie. Nous. Et cette parole, elle est efficace et vivante. Mais regardez bien pour nous, il est capable de rentrer jusqu'à diviser, séparer l'âme de l'esprit. Ah, si vous regardez bien cet exemple, ouais, jusqu'à côté parole bon Dieu a aller. Jusqu'à séparer partie dans moi qui c'est âme et partie dans moi qui c'est esprit. Moi deux bagaille là oui. Bon partie dans moi c'est l'esprit allié. Bon partie dans moi c'est âme allié. Et la parole de Dieu capable fait différence entre yo deux, yo tous deux pas même. Gon différence entre esprit et âme et parole bon Dieu a, li gen assez de pouvoir, de puissance, li efficace assez pour séparer ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme. Oh! Donc si besoin nourrir l'esprit a, parole là capable fait différence là pour moi et avec différence li fait m'a konn kounya qui manger pour me bailler l'esprit et là elle fait différence là pour moi nan âme là m'pral konn qui manger pour me bailler âme là et l'autre partie a c'est corps m'pral konn qui manger pour me bailler corps parce que l'apôtre Paul lui-même pral expliquer nan Thessalonique il dit lui-même 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Qui ça qui pourra le faire tout entier? Trois parties. Que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Quand on parle de l'être, il y a trois bouts là-dedans, l'esprit, l'âme et le corps. Les trois mettent ensemble, ben moins l'être. Un être entier. Mais la parole de Dieu est assez efficace pour le faire faire différence entre les trois. C'est pour me faire ça. Hein? Donc, qui ça pour me faire cunier? Prends parole là. Soufflez-le dans la vie. Je veux dire, une image pour qu'il y ait dans l'espoir là. Ces paroles là, soufflez dans la vie. Soufflez-le. Zamim, soufflez parole là dans la vie. Pas besoin presser, pas besoin aller en pile côté avec aujourd'hui. Souffler parole là dans la vie. Ou pas besoin venir crier devant bon Dieu dans tes prières, c'est pas ça qui est important. La prière moi un mot la prière. On nous tourner dans Jean chapitre 14. Nous, on a dans Jean 15 de préférence. On a dans Jean 15, verset 7. Bon parole qui dit là. Jean 15, verset 7. Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, regardez ça, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ah bon? Nous donnons l'importance de parole là. Zamim, soufflez dans la vie. Soufflez parole là. Soufflez. Parlez parole là. Parlez parole là. Bon, dis-nous des petits bagages. Moi qui a fait gros recherche, Rive fait yon recherche sous sa yore les atomes là. Nous on a atomes là dans en chimie on a étudié atomes, ces plus petites molécules de bagaille là. Gen moun ki pousse étude là pour y al konnen de qui ça finalement atomes là en fait. On ça découvrir le yo aller dans petit molécule ça. Le aller là-dedans, ils ont trouvé que c'est des waves. Ça, wave là, c'est des ondes sonores. Bon, on va prendre ça. Ça, on va créer les atomes là. Que la science dit, oui, c'est pas l'atome, l'atome. Dans chimie, tu as étudié ça, me songez ça. Mais là, font étude poussée pour chercher contre qui ça tient atome, non? Et ont trouvé c'est des ondes sonores. Ça voulait dire qui ça? La parole de Dieu. Mais côté la science vient pas quatre côtés pour le tourner encore là dans la Bible. Tout a été créé par la parole de Dieu, par le son de sa voix. Donc, pipiti molécule là. L'un a fouillé, cassé, zone, cherché, nous joignent. C'est des ondes sonores. Des waves. Sound. Wave sound. Eh bien, amis, vous n'avez pas plus belle bagaille pour faire sous la vie que parler parole là sous. Prends parole là, dans la Bible là, mettez-le dans la bouche. Et parler de toute situation. Oh, parler sous diabète là. Je parle de moi-même, Kounia. M'aller à l'hôpital parce que des symptômes tombaient sous comme, madame, moi, commencé et paniquer. Donc finalement, me raconter l'histoire, m'aller à l'hôpital, m'en écrivait, ou dit, internet sur le champ. Là, au testé, ouais. Si moi à 33, alors il est supposé à 5 et 5,5, mais il y a 33. Et puis il dit, maladie, ça, c'est une maladie qui ne peut jamais sortir sous vous. Donc, il va avoir une technique, mais elle est toujours là pour toujours prendre médicaments. Et puis il me découvre une parole là qui dit, la parole de Dieu, c'est ton médicament. Eh bien, meilleur bagage que m'ta ka fait pour la vie avec sucre là, c'est parler parole là, souffler parole là sous la vie, souffler sous diabète là. Et diabète là, pas qu'à camper lorsque parole là là. La parole de Dieu, c'est médicament diabète là pour moi. Meilleur bagage que ou ka fait pour vie ou, c'est parler parole là sous les. Pour nous et puis devant immédiatement que vous comprenez ça immédiatement qu'on envie de parler parole là ou que vous commencez parole là Marc 4 pour expliquer immédiatement Satan paraît pour le lâcher parole là parce que parole ça m'a parlé nous là c'est lui-même qui a pouvoir pour détruire Satan ça avait Jésus gourmet avec Satan et Apocalypse dit moi le Jésus a tourné là l'a tourné avec épée à deux tranchants en l'amel, qui c'est la parole de Dieu. Ça avait encore la vini, mettait Satan dans la dernière route, dans le dernier trou côté le pral retea pendant toute l'éternité là dans le feu de l'enfer. Soupir là sorti loin. L'homme comprend ça. Bay parole la place que le doué gagne dans la vie. Parce que la Bible, ça la Bible attend. La Bible attend à ce que nous répondons à ça lui-même, les deux faire. Parole dans la Bible là, m'expliquez-nous déjà, ça différent de lui-même et géographie. Si m'étudiez, la terre est ronde comme une boule. Son belle parole, mais parole ça pas gain la vie la donne. Parole ça pas gain la vie là-dedans. C'est une belle information, c'est une belle leçon pour m'étudier, remplir ses cerveau au moins. Si je viens dans l'examen, je pose une question, quelle est la forme de la Terre? Je réponds, la Terre est ronde comme une boule. Mais elle n'a pas de vie, cette parole. Pourtant, l'homme prend parole, bon Dieu, hein, qui dit que votre cœur ne se trouble point. M'rivé dans une situation, moi que m'a sauté, moi toute bagaille a fait, me senti pas contre côté mien, parole ça m'a sauté dans bouche moi que votre cœur ne se trouble point immédiatement comme suspend bat fort. Parce que parole ça gain la vie la donne pour rester que sauté ya. Que votre cœur ne se trouble point. Cette parole vient pouvoir pour le bloquer. Lorsque Satan a vint bon côté, parole là suffit pour me dire retire-toi, Satan. Parole là suffit pour Satan aller. Quand je suis arrivé devant une situation où Satan a bail problème, parole l'a dit. Au nom de Jésus, Satan, je vous chasse. Au nom de Jésus, parole ça suffit pour faire galer non. Satan voltiger et al tomber dans mi temps la main. Cette parole est en vie. Elle est puissante. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous amis, maman, grand, mettez parole ça dans le cœur. Grand, quittez parole ça arriver dans fond cœur et mettez le sous bouche. Lorsque nous répondons à la Bible, à Jean lié, la Bible lui-même, lui fait ça pour le faire. Lui, là pour l'aider, comprendre qui j'ai bon Dieu, voulait me vivre, comment pour moi vivre, vit ça sous terre, et lui conçu la Bible pour le capable changer la vie. Mais c'est même pour ça là. Il est là pour changer la vie. C'est peut-être ça, Zamim. Si nous voulons connaître les bonnes choses dans la vie, étudier la parole de Dieu. Si nous voulons dire les choses correctes sur les situations pour nous changer, yo, parler parole là sous situation, yo. Livre ça, il fait toute la différence dans le monde. Livre ça, li rend s'allume essentiel. Parce que sans la connaissance de cette parole, on pas connaît déjà sauvé. Mais le mien parole ça, on connaît que me sauvé déjà, qu'on y a, on va vivre tant qu'au monde qui sauvé. On va parler tant qu'au monde qui sauvé, on va réclamer ça au monde sauvé, il y a droit à lui. Et on va vivre comme bon Dieu voulait me vivre là. Parole ça sans bim, c'est lui qui a changé la vie. 1 Pierre 1 verset 23, ba nous un petit secret, on regarde. 1 Pierre 1 verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Pral ban moyen ou information là important. Nous pral voir jusqu'à qui côté parole ça aller pour nous. 1 Pierre 1 23 dit: vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je dis, on va rester là avec nous. On va rester derrière verset ça. 1 Pierre 1, verset 23. Nous sautons tout à l'heure. Dans Hébreux 11, il dit, c'est par la foi que nous croyons que tout a été créé, formé par la parole de Dieu. Et l'apôtre Pierre dit là, Kounye, verset 23. Mais Jean, bon Dieu, fait pour lui, fait moins vint tourner au monde nouveau. Qui Jean, bon Dieu, pourra faire la nouvelle création? Nous songez de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, mais Jean, bon Dieu, fait par une semence incorruptible. Semence incorruptible. Mot incorruptible, là, je l'ai dit, son bagage que m pa ka korromp, m pa ka gatel. Son bagage que moi m pa ka souye, qui incorruptible. Quel que soit, jam virel, m pa ka souye. Qui s'allie? La parole vivante et permanente de Dieu. Zamim, bamdou pour qui ça foko. Rete avec parole, bon Dieu, en cœur, parce que c'est lui-même qui crée cœur. Bamdou, comment faut être capable de prendre tout ça dans la Bible? Ou ka comprendre tout, me dit ça, m'galerie dit ça, puis fort encore. Ou ka comprendre tout ça dans la Bible? Pour qui raison? Parce que c'est parole, ça, qui crée. Ou c'est une semence qui sortit dans parole ça. Ouais, mot grec qui est les semences là, mot ça c'est sperma. Ouais, mot sperme dans la donne. Donc ou créé par cette semence la parole de Dieu. Donc ça veut dire toute est partie dans la vie ou dans cœur, dans esprit ou vie spirituelle ou c'est la parole de Dieu. Le Jésus dit par la bouche de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est exactement cette idée, c'est exactement cette idée. Nous c'est même bagaille à parole bon Dieu. Parce que nous avons été créés, régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Sa parole, bon Dieu, aïe, c'est limité tout. Pour quelle raison? Parce que la loi dit dans la Genèse, chaque pied bois baille semence d'après sa yoye. Pied mango, a baye semence et l'homme plante semence mangoa, li pral bam ki sa yon lot mango même Jean avec. L'homme prend graine corosol là, li pral bam yon corosol même là que ça m'te acheté. L'homme prend graine melon en planté, li pral bam yon melon qui même Jean avec. Chaque espèce baye semence selon Jean yoye. Nous créés par la parole de Dieu. Donc même sa parole de Dieu a yéa, c'est ça nous y est tout. Nous connaissons pas le voie pied là, nous connaissons à lever, pomper, mais ouvrir biboua, lire encore, retirer tout derrière toute mauvaise conception que connais déjà. Quitter parole là d'où sort ou elle d'où là. Vous parlant de vous-même, qui avait été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Votre source, c'est la parole de Dieu. Sous moins. M'a parlé de cœur nous la kounia. M'a parlé de l'esprit nous. M'a parlé de ça l'apôtre Paul pral relé l'homme intérieur. M'a parlé de ça Jésus et vin refaire. M'a pas parlé de corps nous là. ne vais pas parler de chair, non, là. Je vais parler de cette partie qui est à l'intérieur de vous. Je vais parler de cette partie que la parole de Dieu est assez efficace pour différencier entre l'esprit et l'âme. Sous esprit, hein, c'est la parole de Dieu, c'est cette semence. Et nous allons comprendre pour qu'ils ont la porte là pour elle dire non. Que la parole de Dieu est une lettre pour nous, parce que pour les gens qui sont bébés spirituels, lettre non, c'est la parole. Nous allons comprendre comment la parole là pour elle présenter comme pain pour nous. Mais toute parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture que vous avez à manger, c'est la parole de Dieu. Et nous allons comprendre que cette parole-là, c'est de l'eau liée pour nous. Lorsque nous plantons près d'un courant d'eau, nous baillons fruits tout le temps, en sa saison. Donc, parole-là, vient tourner de l'eau pour moi. Parole-là, c'est l'être-là pour nourrir l'homme faible. Parole-là, c'est lui-même qui pour me nourrir, pour me venir fortifier. C'est pour raison ça, vous amis, frères, nous prenons temps nous pour nous étudier parole là, connaître parole là, stocker dans cœur nous, arrimer parole là dans cœur nous. Et puis semer parole là, souffler toute écriture. C'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie. Souffler sur Kayla, souffler sur Mario. Soufflez sous madame, soufflez sous timonio, soufflez sous état contouant, soufflez sous santé, soufflez parole là. Et qu'on y a, leur soufflez c'est semer ou absemer. Qu'on y a, vive parole là, récoltez-li. Récoltez-li, faire gloire la montée pour bon Dieu, montrer la vie. Bon Dieu voulait pour nous vivre avec quatre fleuves dans la vie. Nous. Quatre fleuves. Nous devons nous rester en haut là pour étudier la prospérité de Dieu. Il voulait que le fleuve nous en sortit dans Eden nous pour quatre branches, pour le bail quatre branches, quatre fleuves qui ont produit côté nous passer dans la vie. Nous. C'est exactement ça, bon Dieu voulait pour nous. Vous en mime? Je dis, hein? Nous étions avec idée ça. La Bible, c'est bon Dieu qui a soufflé dans la vie pour la forme que vie a besoin. Donc ça pour me faire, préparer blad là, préparer ballon, préparer chambre, préparer caoutchouc pour recevoir parole ça. Maintenant, arrimer dans la vie. Si ton soufflé a ouais, plus ou soufflé, plus ou vent après aller, gon trou la donne. Quitte parole là, montre au côté trouaille, et puis bouche-le. Bouche-le. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, les boucher trouaille, et pour que nous continuions à vivre en bonne relation avec lui. Bouche trouaille. Et puis qu'on y a, semer parole là, dans la vie, dans la vie en mieux, dans la vie voisin, dans la vie famille, dans la vie, ville que tu vas vivre là, dans la vie, pays que tu vas évoluer là. Et qu'on y a, manifester la vie là. Quitter la vie apparaître. Jésus voulait manifester. Il voulait pour yo, well. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et qui répand partout, quel que soit côté me passé, il répand au parfum d'agréable odeur. Voilà, mes frères, mes sœurs, amis, frères, le plan de Dieu pour votre vie. Que je dis à, parole ça, nous ranger dans le cœur, arrimer dans le cœur. Connel dans la tête, nous, arrimer dans le cœur, nous, stocker, et puis distribuer, et vivre la vie ça, à la gloire de Dieu. Amen.